Vous êtes assez fous. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Alexandrine Pichessier nous éblouira comme d'habitude avec ses précieuses découvertes et Justine Renaud nous déconcentrera avec sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 10 décembre 2015, 138 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016, mais 11 jours seulement avant la fin de la session d'automne 2015. Et juste 14 avant Noël. Oh oui, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, je te dirais que du côté de ma voix, ça va pas mieux. Par contre, on y a été avec des gros casse-grippe durant toute l'après-midi hier puis ce matin, alors j'espère que ça va bien aller. Ouais, ben pour remettre en contexte, les gens, hier, on était pas sûr de vouloir venir. Ouais, les deux en fait. On a tous les deux un gros rhume, mais finalement, avec nos chroniqueurs qu'on avait hier, on a décidé de venir pareil, mais on est parti sur l'heure du midi. À peu près, ouais. En début d'après-midi, bref, pour aller se reposer un petit peu. Et puis là, ben, ça va mieux, je pense. C'est une bonne chose de faire ça. Oui, c'est une bonne. Je pense que ça nous a fait du bien aux deux. J'ai de l'impro ce soir aussi, en plus, donc c'est vrai. Je vais me coucher tard. Hein? En effet. Bon. Mais toi, t'as l'air à beaucoup mieux aller. En fait, t'as une journée d'avance sur ta grippe que moi. Oui, ben c'est vrai, parce que tu l'as eu. T'as commencé quoi, lundi? Hier, en fait. Ouais, c'est ça. Bref. Ouais. On va survivre, tout le monde. Eh oui, inquiétez-vous pas. Ouais. Aujourd'hui, l'émission, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a Alexandrine Pichessier qui sera dans quelques instants avec sa chronique Les Précieuses Découvertes. Elle va nous présenter son petit magazine, nous feuilleter ça avec ses sections santé, bien-être, mieux vivre, etc. etc. Ensuite, à 8h, on va avoir Justine Renaud. Et sa chronique Justine Pertine. Mm-hmm. On volera pas trop de punch, là, mais on va en profiter pendant qu'elle est là, Justine, aujourd'hui. Oui, ben oui. On va en profiter pas mal. Pour justifier toutes mes chroniques semi-scientifiques que j'ai fait. Oui, on va faire une émission d'une heure. Ouais, c'est ça. Pour réfuter toutes tes affaires que t'as dit au courant des derniers mois. Sinon aussi, le jeudi, ben, on fait toujours une grosse pointe en dresse, donc mm-hmm. on va goûter à quelque chose. J'ai le produit à côté de moi, d'ailleurs, il faudrait que j'aille le mettre au froid. Moi, à moins que tu veuilles goûter différentes sortes de pastilles, j'ai pas vraiment rien à te faire découvrir. Ben, je t'en prendrais bien les pastilles, par contre. C'est bon. Je les ai oubliées chez nous. Je vais te lancer ça par le cordon magique tout à l'heure. Merci, t'es fine. Et ta chronique à toi, Tania Esgonaldi-Tania, qu'est-ce qui s'en vient plus tard? Bien, on va parler de voiture, donc c'est pourquoi ça va être un segment de En piste avec Tania Baudin. Ah. En temps normal, il aurait fallu qu'il neige, mais prenons en considération qu'il fait froid pareil. C'est vrai. Donc, assez froid. Ben, ouais. Tu sais, je pourrais mettre mon produit sur le bord de la fenêtre, peut-être, ou dehors. Ah, peut-être, ça serait une bonne idée. Mais non. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. En gros, ça vient du sens, tout ça. Ça se tient. Solide. Avant de commencer avec Alexandrine, allons-y avec une pièce d'Ingrid Saint-Pierre. Tokyo Jelly Bean. Tokyo Jelly Bean. Une nouvelle entrée au palmarès. Jelly Bean, ça rime avec Alexandrine, en plus. C'est vrai. Si on se force. Ah. Jelly Bean, Alexandrine, ouais. Ouais. D-R-E-A-N. On est encerclé sans savoir. Un soir à Tokyo. Ingrid Saint-Pierre, la pièce Tokyo J-Bean, assemblage requis sur C'est fou. Ah, une fille, on a dit tantôt que son nom rimait avec J-Bean, mais aussi ça rime avec plein d'autres choses qui finissent, finissent en in, comme dans Elle est très tendance, c'est in. Elle est in? Oui. Hein? Ouais, t'as bien raison. Oui, elle me fait j'hallucine quand elle est là. Ah, oui, c'est bon, on continue. Un dernier, maintenant. Ouais. Je sais pas, c'est tout le temps, il n'y a jamais de vulgarité ou de mots sales. C'est toujours très clean. Ouh! voici Alexandrine Pichessire et les précieuses découvertes. Bonjour Alexandrine. Bonjour Mathieu. Bonjour Tania. Bonjour. Bonjour les QTR, ça va bien? Ah, ça va bien. Ça bonjour va bien. Trois-Rivières. Hein? C'est ça. Bon matin Trois-Rivières, ici Alexandrine Pichessire. Non, ça va bien. Écoute, même si il fait encore noir puis il pleut, oui. Le bonheur, j'essaie d'apporter le bonheur partout, surtout dans vos oreilles ce matin. J'imagine que vous êtes à la route pour vous rendre un cours ou un examen dont vous n'êtes juste plus capable. Vous avez les cernes en bas des oreilles. Vous avez envie de pleurer quand vous échappez votre café par terre. Ah. C'est la fin de session, les amis! Yeah! Alors, pour contrer ça, moi, en tout cas, la session d'automne que nous sommes en train de vivre, ou n'importe quelle autre session d'automne, pour essayer de passer à travers, je pense à Noël. Ah oui, je dois avouer que ce matin, pour essayer de sortir ma grippe de mon corps, j'écoutais de la musique de Noël. Mais moi, ça me fait vraiment du bien, ça me détend. On dirait que c'est comme si je me dis, OK, Alex... Dans quelques jours, tu vas être chez toi, ta maman va te faire à manger, tu vas avoir une doudou, tu n'auras pas à te lever à 7 heures, la vie va être belle. Une récompense, mais c'est ça, il faut vivre avec les récompenses. Exact. Dans la vie. Je trouve que c'est un bon système pour se donner de la motivation. Alors, pour vous aider à mieux procrastiner, j'ai fait une espèce de petite chronique spéciale Noël. Ah, wow! Parce que de toute manière, je ne reviendrai pas d'ici la fin de la session, alors c'est ma dernière chronique de la session d'automne. C'est triste, parce qu'on l'entend souvent, c'est ma dernière chronique de l'année. C'est vrai, là, hein? Temps-ci. C'est ma dernière chronique de l'année. Ouais. Alors, on va y aller quand même assez rapidement, parce que j'ai quand même plein de petites choses. Okay. Alors, nous allons commencer avec la section shopping! Et on va se rendre au bon bout du... Ah! Shopping! Ça, on aime ça. C'est comme Alexandrine. Non. Okay. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, je suis quand même une personne assez stressée. Et le centre d'achat, pendant le temps des fêtes, j'aurais envie de faire au moins 7 meurtres. Ah, okay. Ouais, ça, définitif. Alors, tu les fais comment? C'est... Ah, là, je te demanderai pas non, ça. Non, je peux pas dire. Tout d'une manière très, très snob et très classique. Mais je préfère vraiment, en plus, encourager les marchands. OK. Les magasins qu'on a et notre beau centre-ville à Trois-Rivières, je trouve qu'il n'est pas assez exploité. C'est vrai. Alors, j'ai sorti quelques petites boutiques que vous pourriez aller faire vos achats des fêtes là-bas. C'est pas, tu sais, vous pouvez pas aller acheter le dernier jouet de l'année à votre enfant de 5 ans là-bas. Mm-hmm. Mais pour ce qui est cadeau d'hôtesse ou cadeau à maman ou des trucs comme ça, même quelqu'un de notre âge, c'est vraiment intéressant. Et mon coup de cœur dernièrement, je suis sûre que vous connaissez, c'est la jolie Alexandra Carignan qui m'a fait découvrir cette boutique que j'aime vraiment beaucoup. Ça s'appelle la Meraki. Ah, ça me dit quelque chose. Ça, c'est au centre-ville. Oui, c'est au centre-ville. C'est juste en face du Planète Poutine, à côté de la Maison de la Culture. C'est pour ça que j'ai vu ça. À côté du pizza de pointe, le pizza d'Ancien Monkey. Exactement. Ah, ouais. Oh, l'Ancien Monkey. Mais bref, à Meraki, c'est une boutique. C'est tout petit et c'est vraiment beau. Moi, je suis rentrée là-dedans. Je croyais rêver. Et elle encourage les artisans d'ici, mm-hmm. du Québec et d'ailleurs. Puis moi, je suis pas quelqu'un de très, comment dire... les vêtements un peu grano faits à la main en Inde. Là, c'est pas tant mon genre, je l'avoue. Mais cette boutique-là, il y a vraiment des super belles découvertes. Autant que ce soit pour les bijoux, il y a des chandelles, il y a du savon, il y a des vêtements pour hommes, pour femmes, pour bébés. Les vêtements pour bébés sont vraiment cute. Il y a de la vaisselle, il y a plein d'affaires, puis c'est des belles choses. C'est pas dans cette vitrine-là qu'il y a des coussins avec des orignaux dessus? Oui, oui. Ah, voilà. Ah. Je sais c'est quoi cette boutique-là. L'espèce de vitrine qui est super belle, c'est comme une espèce de calendrier de la main. Ouais, c'est super cute. C'est à côté de la... Il n'y a pas une boutique de cupcakes dans ce coin-là? L'ancienne boutique de cupcakes. Au centre-ville, il faut dire, les choses ne restent pas longtemps. Non, c'est vrai. Mais encouragez la Meraki si vous voulez qu'elle reste longtemps, parce que c'est une belle boutique. Et sérieusement, allez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. J'ai fait des super achats. Sinon, nous avons aussi Fleur Illico, qui est un fleuriste, mais ils vendent aussi quelques petits trucs pour la maison. Le design de Fleur Illico, qui est aussi au centre-ville, ce n'est que des trucs au centre-ville. Vraiment, c'est une espèce de style. La dame, je la connais personnellement, parce qu'elle venait au Petit-Vieux d'antan, bref. Il y a plein de choses, puis ses arrangements floraux sont magnifiques. Alors, pour un cadeau d'hôtesse, moi, en tout cas, j'adore recevoir des fleurs. Tania, ben oui, moi aussi, honnêtement. OK, on va se le dire, les gars. Je pense que c'est féminin, hein, ça, purement féminin, par contre. Non, il y a toujours des filles qui sont comme, « Ah, des fleurs, c'est un an qui éteint. Hey, fille, arrête de faire ta cool, là. » Tout le snob. Monde. Bon, puis, c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas. Mais je dois avouer que je préfère les plantes que les fleurs. Allô, ça reste plus longtemps. C'est moi ça, plante. Ouais. Allô. C'est ça. Pour l'hiver, je préfère recevoir une plante. Puis l'été, j'aime moi-même faire mes bouquets de fleurs, mettons, pour mettre dans ma chambre. Non, moi, j'aime ça avoir une espèce d'arrangement floraux que je mets sur ma table de cuisine, blanc de préférence. Mm-hmm. Oh. J'adore. Alors, fleurs et déco. Sinon, j'avais aussi le petit B. Oui, ben c'est là que tu travaillais avant. Mais là, ça a changé de propriétaire. C'est rendu plus une chocolaterie. Ah, d'accord. Oh. Et en fait... Mais le B voulait pas dire bonbon à bord. C'est bonbon, bonheur. Et l'autre, c'était quoi? Bien fait. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il y en a trois. Bitch, it's good. Non. Mais là, c'est rendu, en fait, Pure Délice Chocolaterie. La propriétaire de Pure Délice Chocolaterie qui a acheté Petit B. Mais ça, donc, ça reste nommé Petit B quand même. Oui, exactement. Okay. Alors, vous avez toujours les mêmes bonbons. Alors, vous pouvez faire vos sacs de bonbons. Mais il y a aussi des très bons chocolats extrêmement frais qui sont faits par la propriétaire. Et aussi, il est rendu avec plein de petites choses, comme des petits bijoux et tout, mais toujours dans l'ambiance vintage, coquin, très coloré de Petit B qu'on aime beaucoup. Qui fait avec toi, mettons? Ça se situe où, au centre-ville? C'est comme sur la rue... C'est Notre-Dame Centre, juste en face de la... du bureau de poste. Ouais, oui, pas le restaurant, le vrai bureau de poste, et à côté du Morgan, en fait. Oui. OK, c'est ça que je me disais. Et le dernier petite boutique que je vous conseille, c'est pas vraiment pour faire des cadeaux, mais tu sais, des fois, le déjeuner de Noël, vous avez pas vraiment envie de faire à manger, mm-hmm. vous n'avez aucun talent culinaire. Le panetier, mm-hmm. un classique. Les viennoiseries qui sont là, ils sont... Écoute, je me sens coupable à chaque fois, mais maudit que c'est bon. Ah ouais. Puis ceux qui aiment les pâtisseries de la Chasse-Galerie, il y en a qui viennent... Ils viennent de là, ouais. Exactement. Puis ils font des super bons espresso. Au pire, si vous êtes à bout de votre fin de session, vous avez envie de vous pitcher en bas du pont La Violette, allez au panetier. Prenez un petit espresso, prenez une petite viennoiserie, respirez par le nez, tout va bien. Allez au panetier, c'est le centre-ville, fait qu'il y a des chars qui passent et tu peux te mettre devant un char à la place de sauter en bas du pont. Non, Mathieu, va te prendre une petite brioche au chocolat blanc, puis tout va bien. Au chocolat blanc? Oh, mais je sais pas s'il y en a, mais je sais qu'il y avait comme des trucs chocolat blanc à un moment donné. Comme les deux, on a réagi en même temps. Chocolat blanc! Alors, vu qu'on manque de temps, nous allons écouter une petite chanson de Noël qui me fait toujours bien rire. C'est un de mes groupes préférés, Trois gars sur le sofa, mm-hmm. qui sont malheureusement, ils se sont séparés. Qui est arrivé. Je suis tellement triste. Mais ils ont des bonnes chansons de Noël, dont celle qu'on va écouter à l'instant, Manuel de Noël, à Assemblage Requis, dans vos oreilles. Le sapin encore allumé, les enfants vont dormir. Dans les manteaux parfumés, faut croire qu'ils ont hâte de partir. Père Noël était pas à son meilleur. Des verres de lait, il en avait bu plusieurs. Oublie la barbe et les bottes noires, laisse la tuque rouge dans le placard. Le costume de Noël, c'est comme un char. Faut désigner quelqu'un d'avance. Ça peut être une fille en cas d'urgence. Seras-tu le héros des enfants ou feras-tu pleurer grand-maman à Noël? Ce qu'ils désirent. Message à toutes les tantes et tous les oncles. Y'a pas toujours juste l'intention qui compte. Oublie les bougies qui sentent fort. Laisse le tricot dans le présentoir. Le cadeau de Noël, c'est pas en polar. Faut y penser un peu d'avance. Ça peut être un chèque en cas d'urgence. J't'échange des becs pis un sourire contre la facture avant de partir de Noël. Devant l'envers, bien haut pour grand-maman. Pox, c'est juste pour un soir. Rentre, laisse ton airbag dehors. L'esprit de Noël, faut un peu y croire. Prépare-toi, mais pas trop d'avance. Pour tes lumières, y'a pas d'urgence. Et attends pas jusqu'au mois de mai pour défaire ton sapin baumier de Noël. Alors, c'était Manuel de Noël, trois gars sur le sofa. Et si vous allez voir leur clip sur YouTube, il y a un petit jeu. Alors, quand vous entendez la chanson, vous pouvez compter les Pères Noël. Il est comme caché dans chaque plan. Ah. C'est vraiment cute. C'est fun. Oui, puis il y a plein de air batterie puis de air guitare. Oui, ils sont beaux, je les aime. Puis le chanteur, là, oh, il est cute. Bon. Alors, voilà, c'était le segment musique. Maintenant, nous allons dans le segment culinaire. Segment culinaire. Alors, ma recette de Noël préférée, en fait, je fais souvent mes cadeaux de cette recette. J'ai découvert il y a quelques années et je pense que c'est un orgasme dans la bouche à chaque fois qu'on l'utilise. Alors, c'est des biscottis, dont des biscottis comme des biscuits italiens qu'on met... Mm-hmm. Qu'on sur le long, là, ouais. Oui, dans le café. C'est quand même assez... c'est périlleux à faire, mais c'est facile. Faut juste être patient et minutieux. Alors, vous pouvez aller sur le site lauraintheKitchen.com et vous allez sur la Holiday Biscotti Recipes. Désolé, c'est en anglais. Non. Mais sérieusement, c'est, dans le fond, c'est des biscottis aux canneberges et clémentines. Mm. Ça fait très festif. Et moi, personnellement, je fais fondre du chocolat blanc. Ah, chocolat blanc! Et là, j'en mets sur mes biscottis. C'est tellement bon. Puis ça fait des beaux cadeaux. C'est le fun à donner. C'est vrai. Tu sais, comme ma tante, grand-mère qui aime beaucoup le café ou n'importe quelle sucrerie. Tu sais, c'est parfait. Tu mets ça dans une belle petite boîte ou dans un pot maçon transparent et ça fait des beaux cadeaux, pas trop cher. Tes parents n'ont pas pensé à taper Clémentine? Non. C'est beau. Mais ça aurait tellement été beau. Ça fait trop beau. Elle n'a pas l'air sûre. Non, mais jamais sûre de rien. C'est pas vrai. Quand je fais des jeux de mots avec ton nom. Oui, mais c'est parce que je me suis fait écœurer quand j'étais petite. Il m'appelait Alexandrine Nectarine, puis j'aimais pas ça. Oh, mais c'est cute. Moi, je trouve ça cute. Je trouve pas ça drôle, je trouve ça cute. On n'a pas le droit, Mathieu, elle dit qu'elle aimait pas ça. J'arrête. Segment cinéphile. Cinéma cinéphile. Comme je suis une éternelle enfant... j'ai sorti mes films de Noël préférés, puis on va pouvoir voir si c'est les mêmes que vous. Parce que rien de plus réconfortant dans l'univers entier que se faire un chocolat chaud dans une doudou, puis là, être en pyjama, puis t'écoutes un film de Noël pendant qu'il neige. Genre moi, hier, quand j'avais la grippe. Oui. Mais je me suis endormie dessus. Ben, moi aussi, je m'endors souvent dessus, mais c'est vrai. Avec ben du chocolat chaud, tu t'endormiras pas. Alors, c'est mon vrai. Best que j'ai réécouté, que j'écoute à chaque année, c'est Le Grinch, The Grinch. Ah oui, c'est vrai. Jim Carrey là-dedans, il est à mourir de rire, puis juste ses mimiques, puis sa face là. Oh. Je suis d'accord. Moi, j'aimais beaucoup ce film-là pour la petite fille, oui, parce que Cindy tout le monde me disait que j'avais les mêmes cheveux qu'elle, puis que j'y ressemblais quand j'étais petite. C'est vrai que t'as des petits airs, t'as comme des petites pommettes de cheveux. Oui, c'est ça. Sinon, mais on dit pas ça pour rire de toi. On dit ça pour être gentil. Mais non, c'est cute les choux de Noël. Sinon, il y a Miracle sur la 34e rue. C'est bon! Ça aussi, c'est dans mes films préférés. L'autre fois, Tania, elle a fait une chronique là-dessus sur les films de Noël. Est-ce qu'elle a parlé du remake? Toi, est-ce que tu parles du remake aussi? Ouais, est-ce que tu parles du premier en 1900... Blablabla, je pense que c'est 72. Je pense que celui en 96. Il y en a qui est en noir et blanc, puis l'autre en couleur. Ah non, il est en couleur, okay. Là. Ah, c'est ça, avec la petite fille qui jouait dans Mathilda. Oui, c'est ça. Et voilà. Bon, voilà. C'est le même que moi. Exactement. Ah non, c'est bon, là. Puis le monsieur, je suis même fâchée que les gens le croient pas. Il existe, le Père Noël, OK? Il y a un article qui est sorti là-dessus. Est-ce qu'on peut sérieusement croire au Père Noël? Moi, je dis que oui. Moi aussi. Sinon, j'ai Noël au château. Je sais pas si t'en as parlé. Ah. Ouh, ça me dit quoi, ça? Mais j'en ai pas parlé. Pour la princesse que je suis, c'est une espèce... c'est une tante qui a deux enfants parce que sa sœur est morte. Oui! Puis là, la famille des enfants, comme de leur père qui est décédé, les invite à venir passer Noël chez eux, mais c'est des riches, puis ils ont un château. Puis la tante, elle tombe amoureuse de l'oncle de l'autre famille. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est beau. C'est vraiment un fairy tale Christmas. Là, c'est européen, en plus. Oh, si je me souviens bien, le monsieur qui joue le grand-père, c'est un ancien acteur qui a joué James Bond dans le temps. Oh, wow! Puis il fait genre l'espèce de grand-père qui est grincheux un petit peu, qui n'aime pas ses petits-enfants, mais finalement... OK, on va en parler. Oh. Regarde ça, Noël au château, c'est beau. C'est très beau. C'est un peu kitsch, là. Tu sais, c'est pas un Xavier Dolan de Noël. Non, c'est un vrai film de Noël. C'est ça qui fait la beauté des films de Noël. Oui, c'est que tout le monde l'espère au plus profond d'eux. Ouais. Oui. Et sinon, l'autre classique sur les traces du Père Noël. Ah oui. qui est comme l'espèce de monsieur qui devient le Père Noël parce qu'il a tué accidentellement, je pense. Accidentellement, ouais, le Père Noël tombe en bas de son toit. Oui, avec son petit gars. Et puis là, il commence à avoir une bédaine puis de la barbe, c'est très drôle. C'est vrai. Hey, c'est tous des films, j'avais oublié de. J'avais pas parlé dans ma chronique. Hey, mais tant t'as mieux, raison. Je suis contente. À part Miracle sur la 34e rue. Ouais. Alors, c'était mes films de Noël préférés. Et je sais pas vous, moi, enfant des années 90, ma grand-maman nous fait, à sa garderie, nous faisait passer, c'est A Disney Christmas Gift. C'est comme Disney. Plein de petits vidéos de Noël de Disney. OK. Ça fait comme un melting pot, mais c'est vintage à mort. Là. Ah ouais? Tu sais, je pense que les personnages parlent même pas. Là. C'est juste de la musique, puis c'est vraiment cute. Tu fais écrire ça sur YouTube, admettons, 1986, Christmas Gift Disney. Puis là, vous allez voir la demi-heure, mais c'est super vintage. Moi, ça me rappelle des millions de souvenirs. C'est vraiment cute. Ah ouais? Mais tu sais, on n'a pas tous eu les mêmes enfances. Mais en tout cas, moi, ça me rappelle vraiment des souvenirs. Alors, voilà, c'était ma chronique Bonheur de Noël à les précieuses découvertes. Oui, exactement, ça vous met dans l'ambiance. C'est ça? Oui! Ah, oh, c'est bon! La fermeture de Disney Christmas Gift. Oui, puis il y a comme des espèces de jouets mécaniques des années 80. C'est exactement ça. C'est très américain, très Disney, très Noël. J'adore. Wow! Alexandrine Pichessire. C'est bon pour s'en aller! Oui, j'aime je sais. Ça. Dernière chronique avant les fêtes, avant Noël. Oui. On va te retrouver en janvier. Oui. Aussi fréquemment, sinon plus, espérons-le un jour. Nous allons voir, mon cher Mathieu. Parce que Colin, que ça nous manque d'avoir Alexandrine à chaque semaine. Oh. Et puis, ensuite, de passer Colin un beau temps des fêtes. Ben merci. Puis, amuse-toi. Ah, j'ai deux petites invitations rapides. Vas-y, rapide. Vous pouvez venir voir le dernier match de la Luître lundi qui s'en vient. Et je vous invite aussi à venir voir Le Bourgeois Gentilhomme présenté par le Théâtre des gens de la place qui commence jeudi cette semaine à 8h à la Maison de la culture. Ça va être très, très, très, très bon. Donc, ce soir... Oui, on est jeudi. Oh mon Dieu, c'est ma première! Oui! Ah! Et il y a un match de la Luître aussi ce soir. Exactement. Donc, faut choisir entre les deux. Alors, je vous souhaite le plus beau temps des fêtes. Soyez heureux. Aimez-vous les uns les autres et que la magie de Noël vous emporte. Bye, Alex. Bye-bye. Bye. Add these other delightful Christmas videos to your collection or give a special Disney gift. There's full-length movies, One Magic Christmas, and the musical classic Babes in Toyland. Festive cartoon collections, A Walt Disney Christmas, A Disney Christmas Gift, and Jiminy Cricket's Christmas. Christmas mini classics, The Small One, and Mickey's Christmas Carol. The exciting Toy Factory adventure Where the Toys Come From, and the popular sing-along Very Merry Christmas songs. It's holiday magic from Disney. Ah, Disney Christmas Gift. Au retour, c'est Justine Renaud et Justine Pertine. Restez là. Rassemble un Ricky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fait. 89.1. Assemblage Ricky est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Ricky en ce jeudi 10 décembre 2015 à l'État Gabaudin. Avec Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera Justine Pertine, Justine Renaud qui est juste là, qu'on on doit regarder, mais sans toucher, un peu comme un chat qui veut pas se faire déranger. Tu sais, préparé? Comment ça fait ça. Bonjour à toi, Justine, mais avant ça, une pièce des deux luxes. Oui. On reste dans la thématique de Noël, Alexandrine, tantôt, voici la fille du Père Noël. Au 89 FM. Je l'ai trouvée au petit matin, toute nue dans mes grands souliers. Placée devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée, y avait pas son père.

Grimes, Flesh Without Blood, à Assemblage Requis sur C'est Fou. Maintenant, c'est le moment de manger quelque chose, de boire quelque chose, comme on le fait toujours. Ce sera pas du sang, je peux dire qu'on n'est pas des vampires, puis ça fera pas très très tard des fêtes, quoique c'est rouge du sang. Ah oui, ça t'as bien raison. Si on buvait du jus de gazon mélangé avec du sang, ça serait très festif. T'sais. En effet. Mais sûrement pas très bon dans la bouche. Non. Donc voici une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. C'est une grosse pointe tendresse, c'est la colline dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire acheté dans un dépanneur, dans une épicerie, à quelque part qu'on devrait pas. Ouais. On devrait pas, mais on le fait quand même, puis on se sent pas trop mal, on s'assume là-dedans quand même. Une fois par semaine, c'est correct. Ben oui, c'est assez en fait. Bref, hier, je suis allé faire l'épicerie. J'ai acheté comme 3-4 affaires pour les prochaines chroniques. Il nous en reste seulement 2 en 2015. Ah mon Dieu, déjà. Il va m'en rester pour janvier, il va falloir que je les garde, que je pourrais pas les manger pendant les fêtes. Oh! Serais-je capable? Il faut. On va voir. Je me suis dit que peut-être que ces produits-là allaient rester pour janvier parce qu'on va essayer de faire un petit peu plus festif dans les fêtes en décembre. Je sais pas trop comment on va s'arranger avec ça parce que j'aimerais ça goûter plein d'affaires qui goûtent peut-être le lait de poule, des trucs de même. Oui, hey, ça serait hâte. Mais pour aujourd'hui, je t'ai apporté, Tania, du c'est du lait. Je sais qu'on a de la misère avec le lait. Okay? À l'érable. Ouh! Ça faisait longtemps que je le zioutais. C'est le lait naturel partiellement écrémé à l'érable, saveur naturelle. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle saveur. En fait, je l'ai pris en photo hier. OK. Il y en a un nouveau. J'ai décidé de ne pas prendre le nouveau parce que je trouvais que l'ancien avait l'air meilleur. Mais attends un petit peu, le nouveau, où est-il? Je l'ai ici. OK. L'autre est au caramel latté, le nouveau. Oh, caramel latté. Ça a l'air bon aussi. Ouais, ça doit être excellent. Excellent. Peut-être qu'on l'essaiera une autre fois. Il y a aussi le lait chocolat au lait, oui. Et le lait au chocolat noir, qui sont plus classiques un peu. Et comme je disais, donc celui que je vous ai apporté, c'est le lait partiellement écrémé à l'érable. C'est du 1% avec vitamine A et D ajoutée dans un emballage fraîcheur. Donc, s'il y a de la vitamine D, en théorie, on devrait être plus heureux aujourd'hui. Peut-être. Cette journée grisâtre. On va voir. Il fait encore noir puis il est rendu 8h50. Ça, ça n'a pas de bon sens. C'est marqué « Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux ». C'est écrit « Idéal pour cuisiner ». C'est fait à partir de saveurs naturelles. Il y a même une petite icône de fédéral. Oh. Un aliment sans agent de conservation, sans colorant ni saveur artificielle, naturellement sans gluten. Coopérative laitière détenue par des producteurs laitiers canadiens. Vous méritez naturel. OK. Ingrédients, bon, donc du lait partiellement écrémé. Sucre, arôme naturel, caragénine, colorant naturel, palmitate de vitamine A et vitamine D. C'est de garder au réfrigérateur. C'est ce que j'ai fait ce matin. Je suis allé voir notre ami... c'est du son de Roxane. Pour lui donner mon lait. C'est bizarre de dire que je vais donner mon lait à quelqu'un. Hein? Assez un peu, mais on comprend l'essentiel derrière tout ça. En tout cas, elle l'a mis dans le réfrigérateur de la chasse et galerie. Quand je suis retourné chercher tout à l'heure pendant la pause, elle me dit que son collègue allait se le prendre pour faire un café. Oh. Allait vraiment, il a même commencé dos, à débouchonner. Ouais, c'est ça, il y a comme une recette au dos en plus. Oui, il y a une recette de lait frappé à l'érable et au café. Donc, si vous voulez suivre les instructions... C'est peut-être ça qu'il voulait faire. Peut-être qu'il voulait se faire ça, ça a l'air écœurant. Lait frappé à l'érable et au café, pour vrai, c'est à essayer, je pense. On irait y en donner tout à l'heure. Ouais. Bref, on remercie Roxane qui est allée vraiment se précipiter sur le monsieur. Pas trop fort, j'espère. Ouais. Pour lui faire mal. Pour lui dire non! N'ouvre pas. Donc, peut-être qu'il est début de débouchonner. Peut-être. Okay. Donc, je te le passe. Là, de nos jours, dans le nouveau studio, t'es un petit peu plus loin. Il va falloir peut-être faire des manipulations différentes pour pas faire de dégâts. Peut-être que tu vas devoir te lever plus. Donc, voilà. Peut-être. Peut-être. Et le micro magique est rendu de l'autre bord complètement. Fait qu'on va... Il t'attend quand même. Il a pas bougé. Bon, ça, il était débouchonné. OK. Au complet. Là. Au complet, même le petit truc de la table de plastique? Il y en a même plus. Il y en a même pas. Bon, okay. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose à déballer, finalement. Est-ce que tu veux le refermer puis le brasser, voir? Ça sent bon. J'espère qu'il n'a pas goûté avant nous autres. Mais c'est le fun qu'elle me l'a dit que le gars était passé proche de l'ouvrir parce que... Parce que sinon, j'aurais pensé qu'il avait été ouvert en épicerie puis j'aurais pas voulu qu'on le voit avant. Vrai. Oh non. Bref, je lance aussi des verres. Oh, c'est mousseux! Je t'ai lancé, OK? OK. Attention. Roui! Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu viendras me le porter à la place de me le lancer. Alors, je vais le faire couler, par exemple. Oui, fais-le couler dans le micro magique. Ah! Je vais pas nous en mettre beaucoup parce que les deux, on est allergiques au lactose. Oui, quand même. J'avais amené. Veux-tu des pilules? J'ai des pilules pour le lait. Ah ouais, si t'en as, on... Puis, je l'ai aux pilules pour lactose. Ils disent qu'on peut le prendre en mangeant, fait que j'imagine qu'on peut le prendre en buvant aussi. C'est quand même une bonne idée, il me semble. Je le sens quelque part, là. Ah, j'ai Pendant ce temps-là, je vais aller te mener ton verre. Merci, service à table, j'aime ça. Moi, je vais donner une pilule pendant que tu viens me rejoindre. Je sais pas s'il faut en prendre une ou deux. C'est des extra fortes, on peut en prendre une chaque. OK. Une pour toi, une pour moi. Est-ce qu'on la prend avec le lait? Pour on la, pourrait pour la tester. Ce serait pas pire, hein, je pense. OK, moi, je mets la pilule dans ma bouche. Alors, est-ce qu'on critique le goût de la pilule aussi? Oh, on pourrait. On goûte à des pilules suppléments pour digérer les produits laitiers. Bonne jusqu'en août 2017. Extra forte, facilite la digestion du lait et des produits laitiers. OK. Go. Ça goûte rien. Absolument rien. Mais tant mieux parce que des fois, ça goûte mauvais. Ouais, okay. C'est vrai. On goûte le lait? OK, go. Go. Mmh. Oh, oh, ça, oh. Ça goûte pareil comme de la crème glacée fondue. Là, vous allez me dire. C'est vrai. C'est pas mal ça, de la crème glacée fondue. C'est pas mal du lait. Mais. Mais la fameuse goûte... crème glacée à l'érable. Oui, que tu vas boire le fond puis qu'il y a comme des petites pépites dedans, tout ça. Mais il n'y a pas ça dans le lait, mais ça goûte vraiment pareil comme si tu avais fait fondre. Je trouve qu'il y a un petit goût de caramel aussi, autre que l'érable. Mais c'est délicieux. Puis je pense pas que c'est trop sucré non plus. Non, puis c'est du 1%, tu sais. Oui. Je tiens à dire que moi, personnellement, je bois du 1%, je bois pas du 2 ou du 3,25. Puis j'aime beaucoup. Ça, ouais. Juste le fait que ça soit à l'érable le rend un petit peu plus crémeux qu'à l'habitude. Puis, tu sais, j'ai dit à Roxane, pardon, que peut-être que j'aurais la misère à le mettre sur des céréales ou tremper des Oreos dedans, mais finalement, je reviens sur ma parole et je pense que ce serait bon dans des céréales. Peut-être pas des céréales super sucrées, mais quelque chose d'un petit peu plus fade comme des Rice Krispies, ça pourrait ajouter du goût un peu. Ou des mini wheats. Des mini wheats, peut-être, ouais. Non, c'est très, très bon. Ça me fait penser. La raison pour laquelle j'ai choisi de prendre ce lait au chocolat-là, pas ce lait au chocolat, le lait à l'érable, c'est que j'ai bu hier un bec cola. On avait goûté pendant l'été, on avait fait l'émission spéciale d'une grosse pointe adresse avec Stéphanie Paradis. Okay. Et on avait goûté au bec cola, qui était le cola à l'érable. Alors, on avait trouvé qu'il goûtait pas tant l'érable que ça. Et là, j'ai goûté, j'ai acheté une caisse de 4 là, récemment. Ça coûte genre 10$ pour 4, là, c'est quand même cher. Quand même. Mais, j'ai regoûté et j'ai trouvé que le goût était plus prononcé d'érable. Ah, OK. Il l'aurait un petit peu plus amélioré. D'après moi, ils ont changé la recette. Donc, je suis content de voir que le lait à l'érable goûte autant l'érable que le bec cola goûte l'érable aussi. Ça goûte l'érable, mais ça goûte pas trop l'érable. C'est pas agressant. Moi, tu sais, les fameux biscuits en feuilles d'érable, mm-hmm. je trippe pas tant parce que ça goûte trop. Ah. Mais là, de ce côté-là, je dois dire que ça goûte juste assez. Puis, en effet, dans un café, comme la recette qu'il y a au dos, qui est le lait frappé à l'érable et au café, ça doit être assez magique en bouche, merci. Ça doit goûter pareil comme au torréfacteur, maintenant au temps d'une pinte, où ils ont dans un bocal, je sais pas si c'est un frappé à l'érable, qui goûte très similaire à ça aussi. Ils font ça au temps d'une pinte, en tout cas, ils le faisaient au torréfacteur. Renseignez-vous là, si vous y allez. J'adore ça. J'en aurais bu un plus grand verre que ça, mais on s'en reversera tantôt. Oui. Et on vous dira peut-être la semaine prochaine si les pilules font effet. Ouais, c'est ça. On va savoir dans quelques instants. Et voilà. Mais pour l'instant, c'est le moment de faire quelques petites nouvelles de fast food. Allons-y avec des nouilles fabriquées à partir des arbres. C'est la plus récente mode de diète au Japon. Ah. Ouais, les gens qui font la diète vont jusqu'à l'extrême des fois pour couper les calories dans leur repas. Et grâce à de nouvelles, restrictions sur les étiquettes de nourriture santé au Japon, apparemment qui ont relaxé un petit peu les règles, manger des nouilles fabriquées à partir d'arbres est maintenant une option. C'est Omikenshi Company, une compagnie basée à Osaka, qui est derrière ces nouilles-là. Depuis les 100 dernières années, ils vendent ils vendaient du tissu, voilà. Mais depuis quelques temps, il y avait des problèmes. Donc, allons plus loin dans l'article un petit peu pour dire que les nouilles, c'est ça, contiennent vraiment pas beaucoup de calories. Et en plus d'avoir seulement 60 calories par kilogramme, ça contient pas de gluten, pas de gras et presque pas de carbohydrates. C'est quoi des carbohydrates déjà en français? Mon Dieu, je l'ai sur le bout de la langue. Ouais, c'est ça, des carbs. Mais je peux pas vraiment te le dire. Attends. Je m'excuse. Ah, c'est écrit dessus, hein. C'est écrit sur le lait, je pense. C'est les glucides. Les glucides. Et c'est teneur élevé en fibres aussi. Et puis, étant donné que la cellulose des nouilles est indigestible, les consommateurs peuvent en manger, se remplir sans absorber aucune calorie. Voilà. Et on combine la cellulose des arbres avec du konjac, qui est une plante native du Japon. Le konjac ne goûte pas très très bon en tant que tel, mais on ajoute de la pulpe de bois pour améliorer la saveur et la texture. On prévoit produire ces nouilles-là l'année prochaine à 30 tonnes par mois chez... Omikenchi Company. Est-ce que tu mangerais des nouilles de bois? Ben, on dirait que ben si je m'en faisais comme une espèce de pad thai, mettons, ouais, peut-être. Ouais, ça ressemble à ça un peu. Ouais, c'est visuellement, ça. Ça ressemble à des pas des cheveux d'ange, comment t'appelles ça, Des spaghettini? Non, les nouilles qu'on te propose dans les trucs asiatiques, là, tout le temps, les... Vermicelle de riz. Vermicelle de riz, voilà. Merci, Caroline, que j'ai de la misère. Ça fait plaisir. Chez McDonald's, maintenant, on va sortir un seau de McCroquette. Un seau? Un seau de McCroquette au Japon, évidemment. Tu sais, évidemment, parce que faut le dire, là, 4 McCroquettes passées. Une entrée, c'est passé. Un repas, des fois, c'est passé non plus quand t'es plusieurs personnes. Il y avait le repas de 24 McCroquettes pour les Olympiques à un moment donné. C'est vrai, comme ça. Je me souviens de ça. Mais là, double-moi ça pour faire 48 morceaux de McCroquettes à partir du 1er décembre, donc c'est déjà fait. Le saut est exclusif au Japon, dans la préfecture de Niigata. Oui, c'est une promotion avec le groupe de J-pop NGT48, nommé parce qu'ils sont dans la préfecture de Niigata, et qui présentement, ils ont 25 membres dans ce groupe-là. Oh mon Dieu. Attends un peu, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Ils ont seulement 25 membres. Blablabla. Ils sont nommés en hommage au groupe, à leur groupe sœur qui s'appelle AKB48, qui avait à l'origine 48 membres. Donc le groupe NGT48 est nommé en hommage à un groupe qui avait 48 membres, mais eux autres, ils en ont juste 25. Puis ils n'ont pas voulu changer de nom. OK. Donc, mais là, ça, c'est juste exclusif au Japon. Là, fait qu'on peut même pas l'essayer. Non, ah, c'est le résumé de la chronique en général. Il n'y a pas grand-chose de disponible ici. Donc tout le monde, on s'en va au Japon pour avoir des chaudières de McCroquette. Est-ce qu'on fait une édition spéciale d'assemblage requis Japon? C'est pas pire. Ça serait bien. Le prix du saut est 14,66$, pas trop pire, américain, bien sûr. Si vous êtes fan de NGT48, il y a les membres en photo sur le saut. Et aux États-Unis, la plus grosse commande de McCroquette qu'on peut faire, c'est 40 morceaux. C'est disponible seulement dans certaines villes. Ça vient en 2 boîtes de 20, par contre. Ou sinon, en certains endroits, dans 4 boîtes de 10 morceaux. C'est pas un saut. Non. Toujours chez McDonald's, leur menu des fêtes à Singapour a des frites truffées, si on veut, et une assiette déjeuner. Donc le menu 2015 pour les fêtes à Singapour, un Big Breakfast Fancy qu'on appelle le Grand Breakfast Platter. Donc les Truffle Flavored Fries, Shaker Fries, pardon, c'est des frites normales de chez McDonald's, mais avec une saveur de truffe qu'on peut brasser dessus dans ton sac, un peu comme le Shake and Bake. C'est populaire partout dans le monde, les shake and bake pour les frites, sauf en Amérique du Nord. C'est vrai, hein? On l'a testé aux États-Unis, mais ça n'a pas super gros marché, apparemment. Donc, le Grand Breakfast Platter, c'est du poulet grillé, coupé, qui vient avec un petit peu d'oignon blanc caramélisé, des champignons grillés, et une tranche de fromage cheddar sur des œufs brouillés, et un muffin anglais grillé de pain entier. Il y a comme des oignons sur le muffin anglais sur c'est la ça. Photo, c'est hein? Des oignons blancs caramélisés, ça. Est-ce que t'as vu le McFlurry? Oui. Le Red Velvet, mais ça, on l'a déjà eu ici, le Red Velvet. Ah oui? J'ai pas trouvé si bon, ça. On voit que je vais souvent au McDo. Hein? Ben, ça paraît. Donc, c'est de la crème glacée à la vanille avec un petit peu de sirop à la saveur de Red Velvet. Là, ça goûte pas ce que le Red Velvet devrait goûter du tout, à mon avis. Est-ce que tu connais la compagnie de saucisses et autres viandes douteuses Oscar Mayer? Non. Un Oscar Mayer Wiener. Il y avait des publicités. C'est pas canadien, ça. C'est américain. Américain. Donc, Oscar Mayer qui vend un nombre limité de petites saucisses. En fait, eux, leur véhicule, on voit souvent leur véhicule dans les publicités en forme de saucisse. C'est un véhicule jaune avec une saucisse dessus. Oui. Là, ils en font une version télécommandée de leur Wiener Rover juste à temps pour la saison de Noël. Donc, le Wiener Rover est en fait une petite version tout-terrain de leur Wiener Mobile qui a été présentée le 23 juillet dernier. Ça inclut un compartiment pour mettre... des hot dogs. Un hot dog? Non, des hot dogs. Donc, tu peux transporter ton hot dog sur ça. C'est exactement. Ça, hot dog, en fait, on parle seulement de la saucisse, je crois. En anglais, quand on dit un hot dog, c'est la saucisse. Quand on parle hot dog bun, c'est le pain. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mon Dieu. Donc, la mini-version peut transporter, c'est ça, un ou deux. Ça dit hot dog dans l'article, c'est pas précisé. C'est un 14e de la grandeur de la Wiener Mobile originale, donc 11 pouces de haut par 22,5 pouces de long. Opéré par pile, ça peut durer jusqu'à 30 000 à l'heure. Ça peut aller jusqu'à 30 000 à l'heure de vitesse. Le mini Wiener Rover est en ce moment disponible pour 25$ avec frais de manutention inclus. Très limité sur leur Twitter avec un bouton « Buy now ». OK, mais juste avec ça, là, ça prouve que ce que nos mères nous ont dit toute notre jeunesse vient de prendre le bord. Joue pas avec ta nourriture! Ah, ben Colin, toi! Là, tu t'achètes une auto téléguidée pour faire voyager ton hot dog. Ben, c'est un hot dog qui a du plaisir. Ah oui, tout à fait. IKEA qui va offrir deux assiettes de Noël, un peu comme McDonald's tantôt, mais complètement différentes. C'est le Swedish Christmas Sampling and Swedish Christmas Meatballs. Donc, le Swedish Christmas Sampling, un échantillon de Noël suédois. C'est des tranches de bacon, pas de bacon, pardon, de jambon fumé, de saumon mariné, de fromage Prast, du Priest Cheese. Donc, du fromage qui était, que c'était les prêtres qui fabriquaient à l'époque. Mm-hmm. Salade de concombre, salade de betterave et du pain croustillant. Alors que le Swedish Christmas Meatballs, des boules de viande de Noël suédoise, c'est évidemment les boules comme on les connaît chez Ikea, avec de la sauce à la moutarde crémeuse, du chou aigre douce, des pommes en dés, des carottes sautées et du gratin de patates crémeux suédois qu'on appelle Janssen's Temptation pour 5,99. Est-ce que je suis la seule à trouver que ça fait pas aucunement Noël? Ben, ça fait pas Noël, mais ça fait les fêtes peut-être suédoises. Ah, peut-être. On peut-être parce qu'ils mangent... Ouais, c'est ça, ils mangent peut-être différemment. C'est ça. On vient chez McDonald's avec d'autres chaussons des fêtes, en fait, et un shake au lait de poule. Ah, ce fameux lait de poule! Pour un temps imité. Pour la saison donc 2015 des fêtes, on les a vus en partie en Floride, en Illinois, en Ohio, Massachusetts et au Texas. Donc on devrait appeler chez son McDonald's local américain préféré pour essayer de voir s'ils en ont. Donc le Holiday Pie, c'est un chausson, tout ce qui est le plus traditionnel, avec une... un recouvrement, si on veut, au sucre glacé, ouais. C'est ça, un peu comme les beignes originales, genre glacé. Ah oui, je suis d'accord avec toi, le petit glaçage à la vanille. Et un petit sprinkle arc-en-ciel avec un intérieur à la costarde, croustade, dépendant de comment... la costarde, la petite crème pâtissière, si on veut, que dans les beignes. Alors que le eggnog shake, c'est du shake à la vanille avec du sirop de lait de poule mélangé au travers de tout ça. Ensuite, chez Burger King, les breuvages des fêtes avec le Secret Santa, le Jolly Reindeer et le Mistletoe Float. Donc, c'est sur The Impulsive Buy qu'on nous parle de ça. C'est la chaîne de fast-food Burger King qui offre des colas des fêtes dans les places qui ont des machines. Tu connais les machines Coke Freestyle? C'est comme une grosse machine de Coke avec des boutons et tu peux faire des mélanges. Bon, tu peux te prendre du Sprite à la cerise. Tu peux te prendre du Coke vanille, rajouter de la saveur de fraise. Tu peux faire des mélanges. Non, je connaissais pas. Awesome. Donc, il y a des saveurs maintenant limitées, disponibles. Tu as le Secret Santa, qui est cerise, lime et vanille. Le Jolly Reindeer, qui est un mélange des fêtes, dit-on, avec une saveur de vanille. Et Mistletoe Float, comme le gui, là, suspendu, le petit gui. Donc, c'est un mélange zéro calorie avec une saveur de vanille. C'est chez Burger King aux États-Unis. C'est censé goûter quoi, honnêtement, un mistletoe? Ça se mange-tu? Non, je pense pas. Non, hein? Non, c'est juste fait pour que tu puisses embrasser quelqu'un en dessous. Exactement, sous le gui. Sous le gui. Ensuite, pour ceux qui connaissent Fallout 4, il y a le Nuka Cola Quantum qui va être disponible chez Target bientôt. Donc les fans de Fallout vont pouvoir irradier leur papille gustative avec du vrai Nuka Cola Quantum, des bouteilles de boissons gazeuses disponibles pour acheter seulement chez Target, selon le compte Twitter de la compagnie. Bethesda Softworks, l'éditeur de la série Fallout, est partenaire avec la compagnie de soda Jones Soda, les mêmes qui font les sodas bizarres qu'on voit en épicerie, là, avec des genres framboises bleues, etc. Donc, il y a une photo postée sur le compte Twitter de Fallout qui montre le breuvage disponible dans la même couleur que dans le jeu, donc bleu. Ça a commencé pour la première fois, on a vu cette saveur-là en 2008 dans Fallout 3. Et puis c'est à peu près ça. Ça a l'air d'être une version remaniée de leur saveur citron, limonade au baie. Ah oui. Mais recolorée bleu. Ouais. Avec le logo de Fallout. Pas certaine, moi. Ouais. C'est même chez Target depuis le 10 novembre. On devrait continuer, terminer bientôt. Je vois le temps qui avance. Au Japon, on a un restaurant macho où on te sert seulement avec des monsieur musclés. Excusez, je trouve ça très drôle. Je viens d'avoir la photo, c'est pour ça. C'est ça. Donc, le Macho Meat Shop, situé à Tokyo, c'est le Macho Nikuya. Nikuya qui veut dire boucher ou magasin de viande, boutique de viande. C'est donc des hommes musclés qui vont faire des pauses, des flex de muscles en vous servant votre bœuf cru, hein, pourquoi pas. L'idée derrière le café, c'est de vous fournir vos protéines tout en vous donnant des protéines pour les yeux. Ouais. Eh ouais. Il y a un drink, ce sont des œufs. Point. Ah, juste des œufs crus. Ouais, des œufs crus, là. Pourquoi pas. Ouais. Je pense que c'est assez pour une grosse pointe d'adresse pour aujourd'hui. C'est assez troublant comme place, je trouve. Ouais. Il y en a vraiment plein d'autres nouvelles, on vous en fera peut-être la semaine prochaine. En fait, vu qu'on a moins de chroniqueurs la semaine prochaine, peut-être qu'on fera plusieurs chroniques, on verra. Alors voilà pour une grosse pointe d'adresse et liens sur assemblagerequis.com. On prend la pause et au retour, ce sera Tania's Gunner Entertainia et dans une demi-heure environ, ce sera un avant-goût de Génie en liberté. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, on est jeudi 10 décembre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh que oui, c'est le moment de passer à Tania, justement, celle dont on parle. Là, oui. Là. Comme moi, là. Comme toi, Tania. Ouais. Baudin. Que j'ai fait? Ben, je sais pas, tu vois, quelqu'un t'a tapé sur la main parce que t'as fait quelque chose de pas correct. Je me suis vraiment mal endormie hier quand je me suis endormie devant ma télévision. Ouais. À cause que j'ai la grippe. Ouais. Et là, je me sens plus la main depuis. Oh non! Ben, ouais. Es-tu capable de nous divertir quand même? Oui, je vais faire okay. Ça. Parce que c'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania! She's gonna entertain ya! Et dans Tania is gonna entertain ya aujourd'hui, c'est la sous-chronique. Oui! En piste avec Tania Baudet! Même pas de neige. Tu sais, il n'y a pas de neige. Il fait juste mouiller. Il fait pas si froid que ça. Ouais. Mais ma chronique en tant que telle parle de froid, parle de neige, puis parle d'automobile. Donc, j'espère que dans... pas dans quelques instants, mais d'ici Noël au moins, on va avoir de la neige. D'ici la prochaine rediffusion de cette chronique-là en ce moment, là, peut-être que lors des meilleurs moments, là, il va venir neiger. Peut-être, on sait pas. Peut-être, j'espère. J'espère parce qu'en fait, aujourd'hui, je vous parle de trucs pour économiser l'essence quand il fait extrêmement froid. Ah. Parce que c'est quelque chose qu'on a entendu parler à plusieurs reprises. Il y a comme eu certains débats pendant plusieurs années à savoir, est-ce que c'est vrai que le froid fait en sorte qu'on consomme plus d'essence? Eh bien oui, c'est vrai, parce qu'une voiture à essence normale va consommer 20% plus de carburant que, ben pas que, mais quand la température extérieure est à moins 7 degrés Celsius que, mettons, en plein été à 30 degrés, là. Ça, c'est certain. Mais si vous n'avez pas le temps de réchauffer efficacement votre auto, ça peut même aller jusqu'à 22%, entre 22 et 25% d'augmentation pour la consommation de votre essence. Donc, c'est quelque chose à penser parce que, bien évidemment, quand on calcule son budget, on le sait, dans le temps des fêtes, normalement, notre budget va être plus serré parce que Noël approche déjà en partant. Ouais. Mais là, il fait faire encore plus froid. Donc, peut-être que ça va nous amener à mettre plus d'essence dans notre véhicule et de ce côté-là, à peut-être dépenser un petit peu plus que d'habitude. Essence dessus, dessous, comme on dit. Et voilà. Oui. Oui. Bon. Puis en plus, si vous conduisez un véhicule hybride, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, là, les fameuses voitures semi-écologiques, c'est-à-dire qu'elles vont fonctionner à l'électricité, mais aussi à l'essence pendant un certain temps, eh bien, sachez que l'impact va être encore plus grand. L'augmentation de consommation peut se rendre de 30 à 35 % dans les mêmes conditions. Donc, de ce côté-là, si vous avez une voiture hybride et que vous pensiez peut-être économiser, mais sachez que pendant l'hiver, ça peut peut-être être un petit désavantage pour vous. Point numéro 1. Oui. Pour économiser de l'essence, bien, c'est très facile. En fait, utilisez un chauffe-moteur. Il y en a beaucoup qui vont essayer de brancher leur véhicule toute la nuit pour qu'il reste au chaud, comme on dit. Mais en fait, il y a juste quelques heures qui vont suffire pour que votre voiture amène vraiment tous les fluides à température idéale. Donc, un chauffe-moteur va vous être beaucoup plus avantageux que de brancher votre véhicule toute la nuit. Ça va rendre le démarrage beaucoup plus facile et ça va limiter les efforts du moteur, bien évidemment. J'ai fait quelques recherches à savoir combien coûtait un chauffe-moteur en temps normal. Parce que c'est sûr que, tu sais, on dit, ah ouais, ben, t'as juste à t'acheter un chauffe-moteur. Si ça coûte 250 $, c'est clair que je vais brancher le mien. Ben, okay? Ça, puis ton petit poteau, il est gratis avec l'appartement, mettons, c'est des fois. C'est ça, hein? Ouais. La plupart du temps. Eh bien, un chauffe-moteur, sachez que ça joue entre les 60 à 75 $C'est sûr qu'il peut y en avoir aussi beaucoup plus cher. Mais chez Canadian Tire, exemple, si vous cherchez, vous pouvez en trouver à une soixantaine de dollars. Et c'est quelque chose qui va vous rester quand même assez longtemps. Okay. Là. On n'utilise pas ça à l'année longue. Donc, bien évidemment, l'année d'après, vous pouvez réutiliser votre chauffe-moteur. Mmh. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir démarrer votre voiture assez facilement. Deuxième petit truc, eh bien, évitez de laisser tourner le moteur pour rien. Moi, je suis du genre, tu sais, j'ai souvent entendu parler que fallait que, justement, notre voiture soit réchauffée à l'avance beaucoup d'avance. Avant l'émission, mettons, tu vas te lever, tu vas partir ton auto, tu vas attendre 10-15 minutes, je sais pas quoi. C'est ça, 10-15 minutes. Eh bien, sachez que pour les voitures qui sont un petit peu plus âgées, donc exemple, la mienne est une 2005, si vous êtes dans les mêmes styles d'années que moi, ça prend juste 3 minutes en théorie. Oh, OK. Donc, si vous laissez votre véhicule rouler pendant 15 minutes pour réchauffer cette fameuse voiture et vous dire que tout va d'être correct quand vous allez partir, eh bien, sachez que vous allez peut-être en fait consommer beaucoup plus d'essence que vous devriez. Mm-hmm. Et pour les nouvelles voitures, eh bien, parce que là, on sait, là, il y a des moteurs à injection et ça nécessite juste quelques secondes, entre quelques secondes et une minute seulement. Donc, pensez-y parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'est pas... Mais pas que je suis pas habitué, mais qu'on n'est pas porté nécessairement à penser, justement. Les voitures changent, les voitures s'améliorent. Donc, de ce côté-là, ici au Québec, en hiver, ça va aussi s'améliorer. Informez-vous si jamais vous magasinez une nouvelle voiture, à savoir combien de temps il faut que je laisse rouler ma voiture pour qu'elle soit chaude et que tout fonctionne sans que je brise quoi que ce soit. Ouais. C'est sûr, on parle de réchauffer la voiture, on parle de réchauffer le moteur, pas nécessairement l'intérieur de votre voiture. Pour être confortable quand vous allez entrer dedans, c'est pas la même chose. Comme tu dis, c'est pas la même chose du tout. Il y a plus de 10 secondes au ralenti va vous coûter plus cher en carburant que de l'éteindre et de le redémarrer. Hein? Ah oui? Oui, c'est quand même. Okay. Ça augmente la consommation assez rapidement. Mm-hmm. Et moi, je me demandais justement, ces derniers temps, il a fait quelques températures assez froides, puis je me disais, ouais, pourquoi mon gaz descend aussi rapidement? Bien là, en faisant ces recherches-là, j'ai réalisé que peut-être que je laissais ma voiture rouler beaucoup trop longtemps le matin avant de partir, ouais. Et que justement, ça faisait descendre... Bien, augmenter en fait la consommation d'essence sur mon véhicule. Mais quand tu arrives au dépanneur, tu dis que t'es mieux d'éteindre la voiture. Oui, que de la laisser rouler. OK, parfait. Troisième petit truc, eh bien, pour ceux qui ont le privilège et ce petit luxe d'avoir des bancs chauffants ou encore des volants chauffants, sachez que oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment plaisant d'avoir les fesses au chaud. Par contre, ça va consommer beaucoup plus d'essence, surtout en hiver, quand il va faire, exemple, moins 25 à moins 30. Là, c'est quelque chose qui pourrait consommer jusqu'à 5 % plus d'essence. Fait que quand le conseil de mettre ta pizza sur le siège du passager pour garder ta pizza au chaud... Là, quand c'est peut-être pas la meilleure idée. Non, là. Ça va coûter cher. C'est ça, ça va vous coûter plus cher. Le quatrième petit point, c'est de voir la pression des pneus. Un petit peu plus tôt, je vous disais de préparer votre voiture à l'hiver. C'est un point qui était revenu. Mais vérifiez la pression des pneus parce que oui, c'est vrai que quand les pneus vont être un petit peu plus mous, ça va en fait donner une meilleure adhérence sur une chaussée glissante. Par contre, ça augmente la friction et du coup, la consommation d'essence. Ah. Donc, c'est quelque chose à penser aussi. Vérifiez votre pression des pneus, mais vérifiez aussi... Ça, c'est le point numéro 6. Mais vérifiez aussi l'huile et l'huile recommandée pour votre véhicule. On ne prend pas n'importe quelle huile, là. Pas de vinaigrette là-dedans. Non, pas de vinaigrette. Là. Surtout, ajoutez pas de sel puis de poivre là-dedans. Mais les chiffres, en fait, à poser sur une bouteille d'huile représentent en partie le degré de viscosité. On sait, une huile à moteur, ça va être beaucoup plus visqueux qu'exemple une huile de canola. Je vous apprends rien. Mais plus elle est visqueuse, moins elle va se réchauffer rapidement. Donc, elle va avoir de la difficulté à être efficace en temps très froid. Donc, de ce côté-là, informez-vous, lisez le manuel de l'utilisateur de votre véhicule. Aussi, informez-vous peut-être sur des forums, sur Internet. On le sait, aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver de tout. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours demander aussi à votre garagiste ou à un ami mécanicien. Ou à Tania Baudin. Ou à Tania Baudin, si jamais. Au 819-376-5183. Mais pour savoir, pour aller chercher la bonne viscosité, il faut aller chercher dans une viscothèque, j'imagine. Oui, exactement. Une viscothèque, ouais. C'est toujours mieux pour les huiles très visqueuses. Et aussi, éliminer les accessoires inutiles dans votre véhicule ou sur votre véhicule. Eh bien, on parle de toutes les paires de lunettes de soleil dans le coffre à gants. Mais c'est sûr que ça fera pas une grande différence. Mais si vous êtes du genre à penser à vous traîner une pelle en métal, si jamais vous restez pris, une batterie de recharge, si jamais vous faites du ski, votre boîte à ski, si jamais il n'y a pas de ski dedans, bien, enlevez-la parce que oui, ça va ajouter du poids sur votre véhicule et ça va faire en sorte que vous allez consommer beaucoup plus d'essence aussi. Ça revient à regarder la pression des pneus aussi, de perdre peut-être un petit peu du pneu peut-être dans la bedaine. Exactement. Peut-être que ça coûterait moins cher aussi. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre deux coups très, très rapidement. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans sa voiture pendant les temps froids? Des gants. Bien oui, c'est sûr que des gants, ça aide, mais une perle, pour si jamais vous restez pris, avec ces fameuses petits grappins qu'on appelle, là, ces choses qu'on va mettre en dessous des... Les traction aids, c'est ça. C'est ça, en dessous et en arrière des roues pour pouvoir se libérer assez rapidement d'un banc de neige, par exemple. Moi, j'ai vécu quand même 3 ans à Montréal et je vous dirais que des grappins, c'est vraiment très efficace. Ouais. Parce que après que la fameuse... charrue, comme on aime l'appeler ici au Québec, passe. Ben excusez-moi, là, mais vous êtes pris pendant un Moses de temps en parallèle dans la rue. Ouais. Donc, ici aussi à Montréal, si jamais vous... ici à Trois-Rivières, si jamais vous vivez au centre-ville ou que vous n'avez pas nécessairement un stationnement dans votre appartement, eh bien, pensez-y, c'est quelque chose à avoir avec vous dans votre coffre de voiture, des grappins, une pelle, des câbles à booster. Oui, ben oui. Super important parce que parfois, on ne va pas être nécessairement porté à vérifier l'état de notre batterie. Par contre, on le sait, dans les temps extrêmement froids ici au Québec, c'est quelque chose à avoir. Des vêtements chauds, donc tu parlais de mitaines. Oui, une tuque, un foulard si jamais vous restez pris quelque part. Une carotte et un chapeau, on ne sait jamais quand tu auras besoin de faire un bonhomme de neige. Aussi. On ne sait jamais. Aussi, on peut très bien faire un bonhomme de neige en bord de route comme ça si on est pris. Et un balai à neige, bien évidemment. Oui. Donc, c'est quelques petits accessoires à avoir avec soi dans sa voiture et quelques petits trucs pour économiser de l'essence pendant les temps froids. Mais comme je le disais, présentement, ça sert quasiment à rien. C'est ça, il va falloir écouter cette chronique-là en rediffusion ailleurs à un moment donné. Ben, on espère avoir de la neige avant Noël. Moi, je veux un Noël blanc, là. Je veux pas un Noël de pluie. Ouais. Je sais pas. Moi, la neige, ça. Ben, moi, la neige, je suis d'accord avec toi, mais... Tu sais, comme on parlait un petit peu plus tôt cette semaine, si je me souviens bien, moi, je suis du genre à aller patiner à chaque année avant Noël. Là, je peux pas, là. Ouais. On a Samuel Girard de Julien Liberté qui vient d'arriver. Si t'as quelque chose à dire, vas-y. Tu veux que je me mêle à cette conversation-là, des trucs utiles pour l'hiver? Ben, en fait, le seul commentaire que j'avais à faire, Tania vient juste de le faire, c'est-à-dire, pourquoi vous faites une chronique demain quand il n'y a même pas encore de neige à terre? Ben, parce que ça va venir. Je suis persuadée que le temps froid donne... Notre température au Québec est assez bipolaire, merci. Donc, je suis persuadée que demain matin, on pourrait se mettre à avoir une bordée de neige de façon assez incroyable. Tania, tu vas te mettre les gens, là... bipolaire à dos. Santé mentale à dos, là. Non, mais je suis désolée. Bipolaire. On dit qu'il y a un problème... De changement d'humeur. De changement d'humeur. Et voilà. Trouble. C'est comme appeler des nains, des petites personnes. Non, mais personnes. Ça, c'est pas la neige. Ça, c'est le fait que les journées raccourcissent. Oui. Donc, moins de temps d'ensoleillement, fait en sorte que les gens qui sont plus à risque ont moins de positifs dans leur journée. Je peux dire ça comme ça? Je pense que bon, tu peux tu dire. Bon, tu vois, c'est une très belle Moi, je trouve que c'est bizarre qu'à 9h20, on suit en temps réel la température de l'assemblage requis ce matin. Il fait encore noir. Oui, il fait... Tu sais, c'est gris, là. C'est pas beau, là. C'est bizarre. C'est noir ou c'est gris? C'est gris. Ben, c'est grisâtre, là. C'est... Il mouillasse, là. Voilà. C'est... Bref, merci pour tes conseils, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Et on fait Tania Isgall Entertainment tous les matins de semaine à Assemblage Requis. Toujours un sujet différent chaque jour. Mm-hmm. Et puis là, aujourd'hui, ben, c'était en piste avec Tania Baudin. C'était en piste parce qu'il y avait un char. Ouais, c'est vrai. Ça compte. C'est ça. Elle aurait pu aussi. Du moment que je parle de taux, ça rentre en piste avec Tania Baudin. C'est ça. Puis tu sais, des fois, on mange du chocolat ou on boit un café en auto. En auto. T'aurais pu mettre ces chroniques-là sur le café puis le chocolat. J'suis en piste aussi, ça. J'y ai pas pensé. Rendu là. Bref, nous, ça va être pas mal proche de la fin de l'émission d'aujourd'hui. Comme on vient de le dire, notre animateur de Génial Liberté, Samuel Girard, est avec nous. Et, hey! Salut! Pour nous parler de ce qui s'en vient à l'émission d'aujourd'hui. Ben oui! Quoi neuf? Je vais commencer quasiment ma cinquième heure de radio cette semaine. Ah, c'est vrai, t'as fait Matière Noire, t'as fait Les Palmarès, c'est fou. T'as fait... Assemblage requis lundi requis. Matin. C'est vrai. C'est beaucoup. Une chance qu'on n'avait pas de chronique dans le Mathieu Plancho cette semaine. Eh ben, une chance, mais tu battras jamais mon 13h par semaine. Non, je sais bien, mais on s'entend que dans mon cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, mais on apprécie ça. En fait, on est content que t'aies terminé tes cours. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut t'utiliser un petit peu plus. La maîtrise est finie. Yeah. Ça fait en sorte que j'ai fait beaucoup de radio cette semaine. Exactement, on l'apprécie énormément. Bon, ben tant mieux. Hey, ce matin, en fait, beaucoup de sujets. C'est la dernière émission format régulier de Génial Liberté, donc j'ai condensé un petit peu trop de choses dedans. Ouais, hein, bon, ça va pas, ça. C'est ouais. Ça, ça va rouler pas mal. Donc, si tout va comme prévu, on va discuter dans l'ordre d'un projet de recherche en génie électrique. On va parler d'astrophysique et notamment des méthodes d'observation à l'époque. Donc, dans le temps où on n'avait pas d'appareil électronique ou quoi que ce soit, ben il y en a que pour évaluer, exemple, je dirais, la circonférence de la Terre, et bien pendant un an, il se mesurait à la même position, l'ombre, à la même heure que projetait le soleil. Okay. Et il attendait un an que leur ombre revienne à la même place, avec la même longueur. Et pendant un an, il faisait des calculs pour arriver avec une formule à la fin et estimer quand même avec assez précisément... Ouais. L'exemple de la circonférence de la Terre. Donc ça, c'est des choses qu'on va discuter aujourd'hui. C'est ce genre d'exemple comme ça. C'est pas que quelqu'un gaffe avec ça. Hein? Genre vraiment sans pas. Sans faire quelque chose. Ouais. Ben, manque pas ton coup, parce que sinon, tu recommences l'année suivante. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont pris toute une vie pour mesurer quelque chose dans ce genre-là. Wow. C'était ça dans le temps. Ensuite, on va avoir une entrevue avec le chef du Parti conservateur du Québec. Okay. On lui a pas parlé depuis le printemps dernier. Okay, donc, ouais. On va avoir une belle petite discussion sur plein de choses qui se passent en politique. On va aussi parler de Révolution française avec le professeur Régis Sellery. Et on se garde un dernier 20 minutes dans l'émission pour parler un peu des changements climatiques avec le fameux COP21 en France. Mm-hmm. Ça amène beaucoup de folie. Donc, je vais noter ces folies-là, vous me connaissez. Ouais. Et si le temps nous le permet, on va peut-être avoir une petite discussion sur le documentaire « L'amour au tas du numérique ». Vous en avez parlé dans l'assemblage requis un peu la semaine dernière. Mais nous autres, la semaine dernière qu'on n'a pas trop eu d'émission, tout ça, ben là, c'est cette semaine que ça nous donne de faire cette petite discussion-là sur notre... comment qu'on a trouvé le documentaire. Ouais, ben on te souhaite d'avoir le temps de faire tout ça en 1h30. Hein? Ouais, c'est ça. C'est là le défi. Donc, J'ai la liberté commence à 9h30. Bonne émission, Samuel. Hey, merci beaucoup. On remercie Alexandrine Pichessir pour sa chronique des précieuses découvertes et Justine Renaud pour Justine Pertine. Nous, on va être de retour lundi à 6h30 avec une nouvelle émission. Et lundi, qu'est-ce qu'on a parmi nous? On va avoir Catherine Langlois à 9h pour la chronique du Club plein air UQTR. Voilà. Mais ce sera, en fond, la dernière semaine complète. On termine le 22. Donc, oui. On n'aura pas nécessairement tout le monde de présent à l'émission lundi et le reste de la semaine. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Plus tard sur nos zones à 11h, le Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, une rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Ensuite, à 17h, Palmarès du Monde et 19h, Très Blues, assez fou, siffre.ca pour la programmation complète. On se quitte avec une dernière pièce. Oui. Une dernière pièce, Tania. Est-ce que tu as des pièces avec toi? Ben oui, j'ai la pièce que j'avais décidé de faire jouer pour ma chronique. C'est vrai. En fait, c'est une pièce qui parle de route. Alors, pourquoi pas, il fait pas encore trop froid, on peut faire de la route. C'est Open Roads de Ropains. On se quitte là-dessus et allons-y. Bye. Bye. None stops you from trying to lose your love, to find your silver lining. You left my side, 'cause mother lets you run and hide. And even from afar I hear you crying. Let me out of this cage before I swell up with rage. Let me sing to old age before I'm done. Let me shout to the skies that I'm too young to die, and that fate will never stop me from trying. Dreamer lived those ties unbound. A quest for peace that a hopeless search for sweet release. You found your feet, but now they only run to meet a hope that's hanging loosely whilst you're crying. Let me out of this cage for I swear. Let me sing to old age before I'm done. Let me shout to the skies that I'm too young to die, and that fate will never stop me from trying. You will only need back home, cause you stole a heart, but your heart is still alone. So just take your time, cause mother lets you run and hide, cause wisdom knows the eyes through which you cry.